J'ai toujours peur d'enchaîner, oui. Jeune fille en feu avec Guillermo, j'ai toujours peur. C'est Guillermo. Ça va les amigos? Non. Alors, comme vous le savez, lundi c'était la journée mondiale du guacamole. Donc je vais vous parler d'Anna Arendt, qui n'aimait pas spécialement les avocats ni les transitions d'ailleurs. Non. En revanche, elle a quand même dit 2-3 trucs dans sa vie, notamment que chaque génération d'enfants est une civilisation barbare que les adultes doivent civiliser. Ce qui est quand même très juste. Quand ça naît un bébé, ça connaît encore rien de la culture humaine. Il n'y a jamais un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui crie « La TVA à 21%, c'est un très mauvais signal !» Et je parle même pas de la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, mon lait il faut tout leur apprendre. Et ils sont très malléables sur le plan cérébral. Avant 3 ans, un bébé, ça peut former 1000 nouvelles connexions neuronales par seconde. C'est beaucoup. À titre d'exemple, moi, je suis à 4 par semaine. dont 2 pour écrire cette chronique. C'est quand même tout, une de plus que Tom Villam. Enfin, je pensais à ça hier matin. J'étais au cabinet. Je me disais « Mexicain, on m'y reprendra plus. » Et là. J'écoute France Inter. Oula. Et sur qui je tombe dans la matinale? Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre. Oui. Et voilà. Et je me dis, Boris Cyrulnik, il est quand même extraordinaire. Il dit que de la merde. Vraiment. Ça va pas. Là, sur ce point-là, non, vraiment. Je suis assez d'accord avec vous, Nagui. Je peux pas le saquer, Cyrulnik. Vraiment, sur ce point-là, je suis d'accord. Dans votre bureau, vous me disiez, c'est une imposture et tout. Mais plus jamais dingue. Il met un pied dans mon émission. J'adore. Moi, sur les enfants, j'ai qu'un maître. C'est Jackie du Club Dorothée et tout. Vous me dites, ça, c'est vrai. Et c'est vrai que Cyrulnik, il disait hier, avec son groupe d'experts sur les 1000 premiers jours de l'enfance, il veut proposer au gouvernement d'augmenter la durée du congé. Bonne parentale. Idée. Ouais. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va arrêter de déresponsabiliser les bébés, quoi? Si à 11 mois, t'es pas capable de gérer un minimum ta life, ça c'est la culture de l'assistanat, ça c'est 60 ans de socialisme. Il a fait beaucoup de mal, Pierre Bergoglio, je te le dis. La prochaine fois que tu l'interviews, Leïla, tu peux lui dire de ma part. Oui. Mais sérieux, j'entendais ça, je me disais, Ernesto, fils d'une bouée de sauvetage, eh bien, interviens avec le standard de France Inter. T'as la pratique en plus avec les enfants, c'est vrai, j'ai pas eu d'enfants, mais c'est vrai que j'ai été beau-père une quarantaine de fois, comme Anthony Delon. Et j'ai un peu l'impression. On est dans une surprotection du bébé. Il y a un outil qui est formidable pour développer ses capacités cognitives et assurer son épanouissement. La télévision. Mais oui, avant de partir au boulot, tu mets ton bébé devant télé matin. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour appréhender le monde. Des informations, une météo, il y a tout vraiment. S'il est un minimum discipliné, le soir quand tu rentres, il est toujours assis sur le canapé. Là, tu lui prépares ses rognons et hop, tu le mets au lit. C'est pas si compliqué d'éduquer un enfant, c'est vrai. Il a parfaitement raison, Boris Cyrulnik, de dire qu'il faut parler le plus possible au bébé pour le stimuler sur le plan neurologique. Je dis juste, qu'est-ce que ça change que ce soit toi qui lui parle ou Laurent Bignolas? C'est un détail, ça change rien, franchement. En plus, il faut arrêter avec le culte des bébés. Franchement, les bébés, c'est les pires des rats. 9 fois sur 10, tu vas au resto avec un bébé, jamais ça sort son portefeuille. L'addition arrive, il fait semblant qu'il a un appel. Et toi, t'es là, tu me la fais pas, Luc. Je te connais, ton téléphone, il est factice. Oui, Luc, c'est le prénom du bébé. Et après, c'est vrai que si on sécurise leur environnement pendant les 1000 premiers jours de leur vie, ils ont toutes les chances de mieux s'en sortir psychologiquement. C'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de grandir dans un environnement sécurisant pour réussir sa vie? Regardez Daniel. Il a commencé à parler à l'âge de 16 ans. Regardez la niaque qu'il a aujourd'hui. Cette envie de s'exprimer tout le temps. À bon escient, ça n'a aucune importance. Bon, moi, c'est pareil, ma mère était alcoolique. À 6 ans, je cuisinais ma panade tout seul. Je mettais du curcuma pour donner du goût. Vraiment, tu sais quoi, à 1 an et demi, je vivais en coloc. Moi, ça m'a rendu du brouillard, quoi. Vraiment. Donc, c'est vrai que c'est louable de la part du gouvernement de vouloir protéger la petite enfance, de gommer les inégalités de destin et de mieux préparer les parents face à l'arrivée d'un nourrisson. Mais franchement, le groupe d'experts, moi, je l'aurais quand même mis avec Jackie. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Yes. France Inter. Nagui, la bande originale. Pierre Rouguise.